tout faire pour devenir célèbre, faire que des morceaux, je me plains. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aurélien Cotentin. Tu m'as sûrement croisé dans le train entre Paris et Caen. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville de merde avec la tour Eiffel dedans. Plus je vieillis, plus je suis fragile mentalement. Je m'ennuie toutes les 10 secondes. Ma vie, c'est quelqu'un qui me parle et moi qui suis pas dedans. Je suis une star, donc on me demande souvent s'il y a des fils de pute dans la musique. Y'en a. Mais moins que dans le cinéma, y'a que sur scène que je me sens vivant. Mais je préfère rester chez moi. Mon album avance pas parce que j'ai commencé le MMA. Je crois que je déprime, j'arrête pas de dire je t'aime à mon chat. Je vois le mal partout, je vois une meuf relou quand toi tu vois juste Rihanna. J'ai aussi une marque de streetwear qui marche pas. Peut-être parce que j'ai rien de street, j'aurais dû faire des pyjamas. Comme je suis en couple depuis longtemps, je raconte plus certains détails. Juste récemment, je me suis rendu compte d'un truc, je baise mal. J'aime bien traîner avec des mecs de quartier. Je me retrouve dans des histoires auxquelles un fils de prof est pas très bien préparé. J'ai des potes rappeurs, je suis content que leur album soit éclaté. Peut-être parce que je suis un haineux et j'ai peur d'être dépassé. Grâce à mon travail, je croise plein de gens qui m'empêchent de travailler. Quand je suis mal à l'aise, je fais des blagues que je regrette juste après. Je fais des classiques et des merdes avec la même sincérité. Je répète souvent que je suis fidèle parce que je pense que je vais craquer. Tu serais choqué si tu voyais les plans que je refuse. Je refuse des baisses, tu croirais que je suis LGBTQ+. Je vois dans tes yeux quand tu me prends pour un fou. Et je me demande juste à quel moment t'as cru que j'étais pas fou. Un pote m'a dit ta vie est mieux que la mienne, pourquoi t'es tout le temps triste? Ça m'a rendu triste, je commence à me demander si je suis trop sensible. Ce même pote a pas encaissé de me voir réussir. Mais heureusement y'a toujours Photoshop pour nous réunir. Seul avec du monde autour. Toujours perdu.